Lève-miroir, dès que tu t'approches de moi, il y a quelque chose qui se déclenche, que tu veux me toucher, et moi je ne veux pas. Alors, lève-miroir, et quelque chose que dès que tu t'approches de moi, ça se déclenche. Lève-miroir, se met entre toi et moi, et tout ce que tu veux me faire courir revient sur toi. Lève-miroir. Alors, si tu veux me faire courir un risque, t'as juste à me le dire, je déclenche ma pensée, y a un effet qui se met entre nos deux, ça s'appelle. L'effet miroir, c'est quelque chose que dès que tu t'approches de moi, ça se déclenche. L'effet miroir se met entre toi et moi, et tout ce que tu veux me faire courir revient sur toi, c'est l'effet miroir. L'effet miroir.